salopard, tu m'as vu tard le soir. J'ai pas de poteau, je marche avec mon pétard. Des grandes chez toi se sont fait pétarder. Les petites chez moi charbonnent sur ton linté. Midi, minuit, ça bébé sous la pluie. Tu dois les cons, des rafales, les clichés. Tu veux, c'est pas mes chez eux, t'es fichés. Au comico, ils adorent te ficher. Raciste du mat, tu n'étais pas chez toi. Ils étaient déçus, mais pas pour très longtemps. Voir mini le montant, ils sont tombés dessus. Voir mini le montant, ils sont tombés dessus. J't'éclate mon pet, check chez eux, j'suis fiché. C'est pas pour autant que tout est fichu. La mode est opaque, c'est le guetteur qui crépue. En cas de descente, y'a zéro sécu. Ma sécurité, c'est ma jambe et ma bande. J'fais bander mon stunt, lui, il bande quand il me fouille. Il fout les buissons à la recherche, ma queue con. Des anciens chacals qui ont pété les plombs. On n'est pas dans un film, ils ont goûté au plomb. La plupart de leurs poteaux se sont fait plomber. Un jour comme un autre, sous les balles sont tombées. Nous fais pas le trompettiste, nous on tombe à Fleury. La fleur a fané depuis ma 13ème année. Chez moi à 13 ans, ça rafale sur le rinté. Les petits veulent compter, les que je paye content. Le temps est compté, les condés font passer. À la frontière, les refs forcent le barrage. Pied au plancher, on veut veste qui la cage. Ils ont trop la rage, les kilos sont passés. La machine est allemande, ils étaient dépassés. Le chat a perdu, la souris a gagné. Midi, minuit, ça fait plaisir aux Yankees. La frappe de Keta, la pure de Colombie. De faux Colombiens sous alcool, c'est pas beau. De bons bras cassés qui se prennent pour Pablo. On est très loin de narco, mais très près du ghetto. Très près du poteau qui est prêt à te couiller. Pour du shit ou une folle qui est prête à se mouiller. Nous on mouille le maillot quand le bigot fait que sonner. À porte de maillot, tu nous trouveras fallé. Qu'il fasse moche, qu'il fasse beau, on viscère les bobos. Qu'il fasse moche, qu'il fasse beau, on viscère les bobos. Pétard, pétard, regarde les cavaler. Débarque, débarque, regarde les avaler. Les petites pétards parce que t'es un bâtard. J't'ai dit les petites pétards parce que t'es un bâtard. Ouais, pétard, pétard, regarde les cavaler. Débarque, débarque, regarde les avaler. Les petites pétards parce que t'es un bâtard. J't'ai dit les petites pétards parce que t'es un bâtard. Nous on ne fait pas semblant, je ne dis pas que je suis sanglant. Mais quand je monte chez ta mère, je n'oublie pas mes gants. Armé comme un gitan, t'as craché le montant. Nous on est trop gourmand, un goût très gourmet. Les hyènes veulent monter, on a appris à tomber. C'est la rue, c'est réel, je te parle de mon ref à Fresnes. De moi à Fleury, la gamelle, les ennuis. Yima qui ne dort pas, ta papa qui est pas là. De toute façon, ça c'est pas grave, ta maman qui assure grave. À la porte et le caleçon, c'est elle l'homme de la maison. Je te parle d'une époque avec mon doudou, je dormais. Maintenant je ne dors plus qu'à la maison, ça va plus. Midi, minuit, ça bibi sous la pluie. Je crois bien que maintenant t'as compris, t'as compris. Midi, minuit, ça bibi sous la pluie. Je crois bien que maintenant t'as compris, t'as compris.